这 下去 啊这 j'ai teasé tout en barrant, j'sais pas si j'tiens debout. Je vais lui remplir tout son vent pour sortir bien le bout. La go va pleine de barreaux et les mains pleines de boue. Renan va tout beurrer. Ramène de mes indous. Oui, trône barreaux, dans le golf barreaux. Jumeaux, vite passé tout fait rimer au barreaux. 9-3, j'donne le top des parano. Stop tes parano, bip hop les barres à mobile. La prise défonce la porte, c'est pour de la barreaux. J'suis dans l'avion sous escorte des gendarmes. On me reproche plus de 21 000 grammes. Ce soir c'est sûr, j'dors à Guantana barreaux. Ouais, c'est moi barreaux, les poulards m'appellent carreaux. On a bicrave des kills de barreaux. Quand veux trop parler, vas-y pas chez moi, ça l'a fait à la baie, ouais ouais c'est chez moi. Wesh, barreau, bicrave la barreau, fournis la barreau, développe les barreaux. Wesh, barreau, wesh, c'est barreau, ramène le barreau, c'est vrai le barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. C'est un sommeil quand y'a plus d'amener, où la police avance prudemment. Tout est lavé, plié, condamné. Gros avant pas haut pour les barreaux, compris plus d'un an. Ferme Bangkok, mes frérots, j'en prends soin, soin, soin. Tu joues mon frère, tout le monde sait bien. Que t'es qu'une bouche de tchouin, tchouin, tchouin. Parle-moi le français, on se prend pas chinois. La putain de sa mère, je vais faire juger dans 4 mois. Je vais tourner, merci, alhamdoulilah. T'as parlé, que du gang gang gang. Toute la journée, caca, caca, caca. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Bande de macaques, bouche ou Bangkok, let's eat. Tu m'en pas ta boîte, ferme ta gueule. Wesh, barreaux, bicrave la barreaux. Fournis la barreau, Bangkok et barreau. Wesh, va chercher barreau, ramène le barreau. J'ai pris le barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. Wesh, vous c'est barreau. Yanso, vous c'est barreau. Yanso, vous c'est barreau. Yanso, vous c'est barreau. Ils vont libérer barreau. Je suis passé chez Sceaux.